le sang de nos ancêtres sur le drapeau. 300 chevaux sous le capot. J'oublie tous mes cauchemars sur la A16. Et nos sourires sont devenus des machettes. Y'a des balles affreuses sur le visage de mes incos qui rêvent du visa. Y'a pas d'espoir et y'a pas d'école. Donc ils reniflent le cachet, là c'est tonne. Mon histoire a trop la rage. On connaît la poisse et les faux barrages. Indépendant depuis 6-2. Et ça sort l'opinel pour un pif bleu. Pour un CLM. Les vices sont rapides comme RS. Les souvenirs reviennent et la chance nous a fui. Et les cauchemars c'est pas que la nuit. T'es un peu paumé et un peu parano. On manquait de tout mais on disait pas un mot. Et la fumée fait disparaître nos rêves. Règne ici on est impoli. Midi minuit c'est nos horaires. On le fait pour la famille comme un Napoli. T'es un peu paumé et un peu parano. On manquait de tout mais on disait pas un mot. Et la fumée fait disparaître nos rêves. Règne ici on est impoli. Midi minuit c'est nos horaires. On le fait pour la famille comme un Napoli. Le blé d'art est solide, sans papier comme Tony. Mafia comme Italiano, Zahir c'est Napoli. Ma maman dit fini pas comme tous ces bandits. Pour elle, je suis le meilleur. Les mains sales, tu ne pourras plus les laver. Tu vas mourir dans le milieu. 4 ballons, 4 cagoules, 4 anneaux. Mais ils l'ont pas fait pour le plaisir. T'as fui la faucheuse, mi hermano. Elle a fini par te rendre visite. Des aides, j'ai le sang qui bouillonne. On a rêvé de ce putain de million. On l'a fait. T'es un peu paumé et un peu parano. On manquait de tout mais on disait pas un mot. Et la fumée fait disparaître nos rêves. Règne ici on est impoli. Midi minuit c'est nos horaires. On le fait pour la famille comme un Napoli. T'es un peu paumé et un peu parano. On manquait de tout mais on disait pas un mot. Et la fumée fait disparaître nos rêves. Règne ici on est impoli. Midi minuit c'est nos horaires. On le fait pour la famille comme un Napoli.